Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell. I remember my surprise. Je me souviens de ma surprise la première fois qu'il m'a dit qu'il espérait bientôt être en mesure de parler par l'intermédiaire du télégraphe. Il m'avait alors expliqué sa conception d'un courant électrique qui reproduirait les vibrations de la parole. That would copy the vibrations of speech. L'assistant d'Alexander Graham Bell, Thomas Watson, qu'on vient d'entendre, qui est étroitement lié à l'invention du téléphone, après tout, c'est à lui que s'adresse Bell lorsqu'il lance son célèbre « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir ». Ces quelques mots, prononcés le 10 mars 1876, correspondent à l'invention officielle du téléphone, une invention tout à fait révolutionnaire qui fera entrer le nom de Graham Bell dans l'histoire. The evening of March 10, 1876, Bell sat in front of the new transmitter. Le soir du 10 mars 1876, Bell était assis devant le nouveau transmetteur à l'arrière de la salle que j'avais converti en laboratoire pour lui. Je suis allé dans la pièce de devant pour écouter avec le récepteur. But as Bell was about to speak into the new instrument, mais au moment où Bell s'apprêtait à parler, il renversa la bouteille contenant de l'eau et de l'acide. Dans son excitation, il s'écria, « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » Bell called out to me, « Mr. Watson, come here, I want you. » À nouveau, Thomas Watson, l'assistant d'Alexander Graham Bell, pour nous raconter le contexte autour de cette invention du téléphone par Bell, pour nous dire aussi, nous en dire plus sur la vie fascinante d'Alexander Graham Bell, je reçois Ève Dumais, la chargée de projet pour l'exposition Allô Montréal, les collections historiques de Bell, présentée au Musée de la Pointe-à-Calière à Montréal jusqu'en janvier 2018. Ève Dumais, bonjour. Bonjour. Ce qui est assez fascinant quand on s'intéresse à la vie de Bell, c'est que d'abord, il naît en Écosse en 1847, mais c'est qu'on constate que c'est un peu cocasse, mais que Bell, qui va inventer le téléphone, est issu d'une famille qui déjà, depuis longtemps, s'intéresse au son, à la parole, à l'élocution. Oui, tout à fait. En fait, la famille du jeune Alexander Graham Bell, donc son père et son grand-père, s'intéressaient réellement à la parole, à l'élocution. Et donc, depuis deux générations, dans sa famille, il y a ça qui court. Et c'était vraiment une vocation. Et donc, c'est peut-être pas un hasard que Alexander se soit intéressé, justement, à la transmission de la parole. Mm-hmm. Et qu'il invente plus tard le téléphone qui permet, justement, cette formidable chose. Parce qu'ils font, c'est une famille au fond de chercheurs. Ils font de la recherche sur la parole. Ils travaillent beaucoup avec les sourds, les sourds muets. Et puis Bell, c'est aussi important dans ce qui suivra, dans le fait qu'il inventera le téléphone, mais plein d'autres choses, appartient aussi donc à cette famille qui déjà s'intéresse à ces questions, fait de la recherche. Mais le milieu dans lequel il évolue est très très riche sur le plan des idées, sur le plan de l'innovation. Très vite, il va être en contact, le jeune Alexander, avec la culture de la recherche scientifique. Oui, tout à fait. En fait, comme il naît à Édimbourg, et à l'époque, Édimbourg était considéré un petit peu comme l'Athènes du Nord. Et il y avait toutes sortes de scientifiques qui y passaient, donc avec eux, toutes sortes d'idées nouvelles. Et la famille d'Alexander Graham Bell était plutôt libérale, croyait beaucoup en l'éducation. Et donc, chez les Bell, il y avait toutes sortes de gens, de personnages importants de l'époque. Ils tenaient salon, les gens allaient oui. chez les Bell, ouais, c'est ça. Et donc, sa famille recevait des gens comme Charles Wheatstone, qui était un chercheur en télégraphie et qui va beaucoup impressionner Alexander Graham Bell. Il a aussi rencontré Alexander John Ellis, qui était un célèbre phonéticien de Londres. Donc, il évolue dans ce milieu, dans cette espèce de terrain fertile, et il va très, très tôt s'intéresser aux sciences. C'était un sujet qui le passionnait. Mm-hmm. Et c'était un jeune garçon qui était plutôt rêveur, mm-hmm. qui aimait la lecture. Et même tout petit, il y avait une collection de petits spécimens ouais. naturels, des petits œufs d'oiseaux. Il avait même créé son petit laboratoire chez lui. Et puis son père va... L'idée de l'invention va arriver assez vite aussi dans la famille Bell et pour le jeune Alexander. Son père va lancer un défi, en fait, à Bell et à son frère. Oui, à l'un de ses frères, Mélie. Il leur lance un défi comme ça. Créez-moi une machine qui peut parler. Une machine à parler. Oui, une machine Poutine qui pourrait parler. Donc, les deux jeunes frères répondent au défi et inventent en fait une espèce de machine qui imite le larynx humain et qui était capable de reproduire le son « mama » et qui actionnait avec un soufflet. Et donc, ce son-là, c'était comme si c'était un petit enfant ou un bébé qui criait « mama, mama ». Et même les voisins s'y méprenaient. Tout le monde pensait qu'il y avait un petit bébé en détresse. Ouais. Qu'est-ce qu'il se produisait? Donc, il trompait tout le monde. Donc, première invention ludique, celle-là, de deux jeunes frères, mais ça campe bien l'esprit dans lequel grandit le jeune Bell. Ils vont quitter l'Écosse, les Bell. Le père décide de partir. Ils arrivent au Canada en 1870. Pourquoi ils décident de débarquer au Canada? En fait, il y a plusieurs raisons qui motivent ce choix. Le père de Bell, donc Melville Bell, était déjà venu au Canada. Il avait un ami écossais qui habitait au Canada. Je pense qu'il avait été d'une certaine façon séduit par les paysages. Donc, il y avait cet aspect-là. Il connaissait un peu. Et aussi, il faut se rappeler que, bon, à l'époque où Alexander Graham Bell grandit, c'était l'époque de la tuberculose. Et la tuberculose a malheureusement emporté ses deux frères. Et la menace planait d'une certaine façon sur lui aussi, sur sa santé. Et devant toutes ces circonstances, son père a été convaincu d'immigrer au Canada, donc en 1870. Ils vont donc, la famille s'installe donc en Ontario en 1870. Bell, évidemment, est devenu un adulte, un jeune adulte. Il ne va pas rester au Canada très longtemps. Il part l'année suivante pour travailler aux États-Unis. Où s'installe-t-il et pour y faire quoi? En fait, oui, c'est ça. En fait, tout à fait. Il part aux États-Unis, il s'en va à Boston. En fait, je pense qu'il voulait pas être un... Il voulait vraiment... Il avait soif d'autonomie, ce jeune homme, et il voulait subvenir lui-même à ses besoins. Il part enseigner dans une école pour sourds-muets qui était dirigée par Mme Sarah Fuller. Et en fait, il faut comprendre que le père de Bell aussi avait inventé une méthode qui s'appelait de visible speech, ou le langage visualisé, si on veut, qui permettait en fait de comprendre comment les sons se formaient d'une voyelle ou d'une console ou autre. Donc, Bell enseignait aux personnes sourdes, aux élèves sourds, à parler. Donc, il leur apprenait à parler grâce à cette méthode-là de son père. Et toute sa vie, de fait, ça va être important. Il y a un lien émotif pour lui. D'abord, il y a ses antécédents familiaux, le grand-père et le père qui ont travaillé sur ces questions, mais c'est sa vocation principale. Toute sa vie, il va continuer à s'intéresser, à enseigner aux sourds et muets. Oui, et Bell considérait que c'était son plus grand apport, dans le fond, à l'humanité, beaucoup plus que ses autres inventions. Ouais. Pour lui, il était un professeur qui enseignait aux sourds à parler, ce qui est tout à fait novateur aussi pour l'époque, parce que le contexte de l'époque, on croyait en fait que les sourds étaient automatiquement muets, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ouais. Et donc, les Bell avaient tout à fait une autre approche. Ils croyaient vraiment que ces personnes-là pouvaient participer à la société. Donc, c'était vraiment fondamental pour Bell, surtout que sa mère aussi est devenue sourde quand il avait à peu près 12 ans, je dirais. Et plus tard, sa femme, celle qui deviendra sa femme, Mabel, et qui était une de ses élèves, donc qui était sourde elle aussi. On écoute justement, vous le décriviez un petit peu, ce chemin qui va conduire Bell à l'invention du téléphone, mais il y a un vrai lien entre son travail d'enseignement, cette démarche qu'il a auprès des sourds muets avec lesquels il travaille dans la région de Boston, et l'invention du téléphone. Écoutez Fernand Seguin, à l'époque, en 1960, raconter le début de ce parcours de Bell vers l'invention du téléphone, extrait de l'émission « Les voix sans visage ». On raconte quelquefois qu'Alexander Graham Bell inventa le téléphone par accident, alors qu'il tentait de fabriquer un appareil qui permettrait à sa fiancée, Mabel Hubbard, laquelle était sourde, d'entendre enfin la voix humaine. L'histoire est touchante, mais inexacte. Il n'en reste pas moins vrai que la surdité et les sourds eurent une grande importance dans l'invention du téléphone. Importance indirecte, évidemment. Bell était en effet professeur d'élocution et se spécialisait dans l'éducation des sourds. On sait que l'abbé de l'Épée avait inventé une méthode de communication selon laquelle les sourds muets apprenaient à converser par signes. Mais Bell constata que la plupart des sourds muets avaient des cordes vocales intactes. S'ils ne parlaient pas, c'est qu'ils n'avaient jamais entendu la voix humaine. Bell entreprit donc d'inventer des moyens de la leur faire percevoir, par exemple, à l'aide d'un ballon placé tout près des lèvres. La voix humaine, transmise par une membrane qui vibre, n'était-ce pas là le premier pas vers l'invention du téléphone? Alors, comment se fera ensuite le prochain pas, Ève Dumay, vers l'invention du téléphone? Dans quel contexte, au fond, Bell va-t-il inventer, penser d'abord, puis inventer le téléphone? En fait, tout part du fait qu'il s'intéresse toujours au son, à la transmission des sons. Et il s'intéresse aussi à l'oreille humaine, comment ça fonctionne. Ça fait vraiment partie de ses recherches. Il fait aussi des recherches sur le télégraphe, qui était en fait le moyen de communication à l'époque, bon, qui n'est pas l'ancêtre du téléphone, parce que ce n'est pas du tout la même technologie. Mais il va s'intéresser à tout ça en même temps. Et il va travailler à Boston, justement, avec M. Watson, qui va l'assister, qui va l'aider au niveau des connaissances plus techniques, électriques, tout ça, qui va l'aider à concevoir son projet de transmettre la voix humaine. Et en fait, c'est un peu comme ça, dans ce contexte-là, que le téléphone va jaillir tranquillement dans son esprit. Ouais. L'idée de reproduire, au fond, c'est ça le défi. C'est de reproduire la voix humaine, oui, c'est ça, de la reconstituer, en fait. Donc, c'est vraiment la voix qui fait vivre vibrer un diaphragme de métal, un petit peu comme notre oreille peut fonctionner, si on veut. Et en fait, c'est qu'après ça, la voix va être reconstituée dans le récepteur là, pour que le signal électrique devienne le message audible. Et c'est finalement donc le 10 mars 1876, on l'entendait au tout début de l'émission, que se produit le petit miracle de la grande invention. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bien, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on sait ce qui se passe ce jour-là par M. Watson, qui est son assistant. Donc, c'est vraiment son souvenir à lui, parce que paraîtrait-il que Bell ne se souvenait pas nécessairement de cette anecdote précise qui se serait renversée une pile sur lui, puis que tout énervé, il aurait dit « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir », puis que Watson l'aurait entendu et serait accouru et lui aurait dit justement « J'ai tout entendu ce que vous venez de dire ». Donc, c'est un peu ça qui se serait produit, mais c'est vraiment les mémoires de son assistant. Et ça se passe dans un immeuble, au fond. Bell est en haut, à l'étage, et Watson est au rez-de-chaussée et il entend donc du récepteur Bell l'appeler, finalement. Il entend très clairement, son assistant entend très clairement tout ce que Bell avait à lui dire. Ouais. Il dépose son brevet Bell, ça c'est assez fascinant, son brevet américain sur l'invention du téléphone le 14 février 1876, 2 heures seulement avant qu'Elisha Gray dépose lui son brevet sur l'invention du téléphone. Ils sont quelques-uns, puis ils le savent au fond, qu'ils sont quelques-uns à travailler sur la même chose à ce moment-là, ce qui fait que la paternité du téléphone qu'on attribue à Bell, il va devoir la défendre. Je pense qu'il y a des centaines de procès. J'ai lu 600 procès, mais il va être en procès après procès. Il va tout gagner ses procès à Bell. C'est lui, donc, qu'on reconnaît finalement comme père du téléphone. Mais on sait qu'il a devancé de 2 heures seulement Elisha Gray. Dans ce contexte-là, je propose un extrait d'entrevue accordé en décembre 1999 par l'historien Jean-François Auger à Mario Proulx à l'émission Figure de Proulx. On écoute ça, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'au fond, la grande question, puisqu'ils sont plusieurs à travailler sur la même invention, c'est qu'est-ce qui appartient à Bell dans tout ça? C'est le fait que c'est un inventeur radical. Qu'est-ce que c'est qu'un inventeur radical? C'est quelqu'un qui transforme radicalement la façon dont on entrevoit la technologie. Et Bell en est un comparativement à Elisha Gray. Pourquoi? Parce que Bell croyait qu'il était possible de transmettre les sons à distance. Alors qu'à cette époque-là, les années 1870, on était plutôt préoccupé par l'invention et l'amélioration du télégraphe. Donc tout le monde croyait que le téléphone, c'était un jouet scientifique, un scientific toy, pour reprendre l'expression gadget, des Américains. Un gadget. Oui, mais Bell, lui, a cru en cette invention-là. Et en a vu les applications possibles. Quoi. Les applications possibles. Oui. Mais non seulement en a vu la réalisation concrète de l'appareil téléphonique, mais également du système qui l'entoure. C'est-à-dire, prenons l'ampoule électrique. Une fois que Edison va repenser à l'ampoule électrique, il va falloir organiser tout un système technique qui va supporter la distribution de l'électricité, les transformateurs, les alternateurs, les poteaux de téléphone, comment on va facturer l'électricité. C'est la même chose pour l'invention du téléphone. C'est une invention radicale parce qu'elle introduit une nouvelle façon de pratiquer la technique. Et donc, il va y avoir les systèmes téléphoniques, les opératrices, les systèmes de facturation, les appareils téléphoniques, les opératrices, enfin... Le réseau, quoi. Oui, le réseau, finalement. Le réseau serait l'image. Les inventeurs indépendants, comme Bell, sont des inventeurs radicaux dans la mesure où ils sont visionnaires en même temps. Oui, ils entraînent l'émergence de nouveaux systèmes techniques qui, encore aujourd'hui, comme vous le disiez, font partie de notre vie quotidienne et qu'on oublie souvent qu'ils ont été créés par des individus à des moments donnés de l'histoire. Et ça, c'est assez fascinant, Eve Dumais. Puis ça nous montre que malgré cette petite bataille autour des brevets, tout ça, Bell a vraiment une paternité importante dans l'invention du téléphone. Il n'invente pas qu'un bidule technique. C'est un visionnaire. Il sait ce que sera le téléphone et ça va être une révolution, de fait. Oui, c'est ça. Bell envisageait même, il imaginait que pour son téléphone, on en aurait dans chaque maison, comme l'eau, comme le gaz. Lui, il voyait vraiment une application et il imaginait même comment les fils pourraient passer sous la terre ou dans les airs et donc, ce qui fut le cas tout à fait. Et en fait, c'est que cet instrument-là, cet appareil-là du téléphone a vraiment quelque chose de démocratique. Tout le monde est capable de parler. Donc, rapidement, les gens au départ, on s'en sert beaucoup dans le milieu des affaires parce que on dit que ça nous permet de gérer, de gagner du temps. Mais en même temps, les gens se rendent compte que c'est tellement agréable de se parler, de pouvoir se donner des nouvelles. Donc, ça brise l'isolement complètement. La notion d'urgence aussi, très rapidement, elle s'impose. Oui. Le téléphone, quand on a besoin... De secours, ou il y a un feu, il y a quelque chose qui se passe, un événement majeur. Donc oui, le téléphone devient un élément de sécurité. Et même dans les années 1900-1910, il est commercialisé de la sorte. Oui. Donc, on parle du téléphone comme, par exemple, le chien de garde, qui nous assure une certaine protection. Et ce qui est peut-être fascinant par rapport à ça, c'est que ces éléments-là, au sujet du téléphone, c'est des préoccupations qu'on a encore aujourd'hui. Ouais. Et qui partirait sans son téléphone cellulaire en voiture, ne serait-ce que pour avoir maintenant le GPS et non pas juste la fonction vocale? C'est la grandeur de l'invention, en fait. D'abord, un besoin très nettement identifié, une vision très claire de ce que ça va devenir. Ça, c'est assez fascinant. Puis visionnaire aussi parce que on est à la fin du 19e siècle. À ce moment-là, il y a des gens qui travaillent sur le bidule technique, encore une fois, le jouet scientifique, comme disait l'invité de Mario Proulx, mais peu de gens ont la vision que Bell a, et à un point tel qu'à ce moment-là, il y en a deux ou trois qui se disent, mais il est complètement fou, là. Les gens ne comprennent pas encore, quand Bell l'a compris, ce que ça va être, le téléphone. Tout à fait. Ce qu'on disait aussi au départ, les gens, on parlait de télégraphie. Les gens voyaient ça comme un moyen pour les télégraphes de se parler entre eux pour que ça soit plus efficace. Mais en fait, c'est ça. On se rend bien compte que, finalement, on va utiliser le téléphone pour carrément transmettre le message. Et donc, c'est un peu aller de soi. Puis souvent, c'est ça avec les grandes inventions. Au départ, on trouve toujours que c'est un peu absurde, aberrant. On comprend pas qui voudrait... Est-ce que le téléphone faisait peur, a fait peur à un moment donné ou pas? Oui, je pense qu'il y a eu toutes sortes de choses farfelues qui se sont dites sur le téléphone. Par exemple, on pensait que le téléphone pourrait transmettre des maladies par le récepteur, ce qui est totalement faux. Mais surtout, c'était on le voyait comme une intrusion aussi dans la vie. D'ailleurs, la mère de Bell disait qu'elle trouvait ça vraiment dérangeant que le téléphone sonne toujours aux heures de repas, principalement au souper. Et ça n'a pas changé, même aujourd'hui encore. Non, ça n'a pas changé. Tout le monde peut en témoigner. Il va se développer très, très rapidement, ce réseau-là. Évidemment, il y a un potentiel fabuleux. On vient de le comprendre en vous écoutant. Bell, c'est un enseignant, c'est un inventeur. Il n'est pas très intéressé à lui-même prendre en charge la création et le développement de la compagnie de téléphone. C'est son père qui est resté en Ontario qui va s'en charger. Ouais. Et vraiment, ça va exploser. La croissance du réseau téléphonique va être fulgurante. Puis au début, c'est intéressant, mais quand on dit que le téléphone est canadien, c'est que c'est beaucoup dans une ville comme Montréal que l'explosion du téléphone fait ses premiers pas. Oui, le réseau s'est beaucoup développé à Montréal et c'est sûr que ça va quand même rapidement. Bon, vous voyez, le téléphone a à peu près 140 ans d'existence. Et juste cette évolution-là, 140 ans, c'est pas très long dans l'histoire. Et oui, le réseau est vraiment parti à Montréal. Donc oui, c'est le père, Melville Bell qui a commencé à commercialiser l'invention et donc au départ les appareils étaient loués. Et c'est tout part aussi du réseau télégraphique, en fait, les centraux télégraphiques qui vont devenir les centraux téléphoniques où on va avoir des armées littéralement de téléphonistes pour répondre au nombre croissant d'abonnés au téléphone. Qui vont se multiplier d'année en année. Là, c'est vraiment ahurissant. Exponentiel. L'évolution des chiffres. Il fera autre chose que d'inventer le téléphone, Bell. C'est un inventeur. Il va inventer toutes sortes d'affaires, Eve Dumais. Oui. Absolument. Donc, il s'intéressait à toutes sortes de choses. C'était vraiment un curieux. Il aimait sortir des sentiers battus. Puis, la réalité qui était autour de lui, il cherchait à en percer les mystères, vraiment. Donc, il va inventer, par exemple, un audiomètre qui permettait de mesurer l'intensité des sons. Et semble-t-il que le mot décibel, mm-hmm. cette unité de mesure du son, serait même baptisé en son honneur. Avec le bel, décibel. Oui, décibel. Il va inventer toutes sortes, en aéronautique. Il n'arrête oui. pas. Non, c'est ça. Il va s'intéresser aussi à des machines volantes. Il va construire des cerfs-volants géants lorsqu'il est à sa maison en Nouvelle-Écosse, à Badec. Donc, il fait voler des immenses cerfs-volants qui pouvaient même soulever le poids d'un homme. Et il paraîtrait que les gens de Badec le trouvaient un peu fou de faire voler ses cerfs-volants toute la journée. Des bateaux, d'autres trucs aussi. Des fois, il va être devancé, par exemple, le photophone. Ça va devenir la fibre optique plus tard. Il va inventer le graphophone, mais oui. là-dessus, Edison va le devancer un peu. Oui, tout à fait, parce que, bon, Bell avait toutes sortes de projets aussi, puis il continuait d'enseigner. Donc, il a inventé un graphophone qui permettait d'enregistrer les sons, puis après ça, de les rediffuser. Mais évidemment, Edison va, avec son phonographe, le surpasser dans ce domaine-là. Ouais. Ce qui est normal quand on touche à toutes sortes de choses. Parler de sa maison de Babek, on va finir là-dessus, mais c'est intéressant parce que on dit toujours qu'il est Canadien, que c'est une de nos grandes figures canadiennes, mm-hmm. Belle. En même temps, il est né en Écosse. Mm-hmm. Il a travaillé à peu près tout le temps aux États-Unis. Mm-hmm. Il vit assez peu au Canada. Quel est son lien? En quoi est-il canadien? Ben, en fait, il a partagé sa vie entre Washington beaucoup et la Nouvelle-Écosse. Il avait un attachement émotif à la Nouvelle-Écosse. Peut-être que ça lui rappelait un petit peu son pays natal. Je pense qu'il aimait beaucoup les gens. Et aussi, depuis l'enfance, il avait un attachement pour la nature. Fait qu'il allait souvent dans cette maison-là se ressourcer. Donc, il a créé beaucoup de choses, beaucoup d'inventions se sont faites justement à Badec. Donc, il disait aussi que son invention, le téléphone, il voulait dire que l'idée avait émergé dès 1874 lorsqu'il était à Brantford chez son père en visite. Donc, il disait que, bon, l'idée du téléphone était née à Brantford, mm-hmm. au Canada, mais que le téléphone était réellement né à Boston. Oui. Donc, aux États-Unis, il voulait pas faire de chicane. C'était les deux pays. Pour finalement appartenir à la planète entière, mm-hmm. On s'arrête là-dessus. Ève Dumais, merci infiniment d'être venue nous voir. Un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Ève Dumais, chargée de projet, je vous le rappelle, pour l'exposition Allô Montréal, les collections historique de Bell, qui est présenté au musée de Pointe-à-Calière à Montréal jusqu'en janvier 2018. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.